Mon son du Black Decker. Tu crois que le Black il déconne? Bloqué mes sous fuck, j'suis Black Dego. Au KL, bloque Choco. Ma tête en noix de coco, eh ouais. Black mes couilles, parce que j'suis Black comme un fou Mister. Black des news, tu me suis, c'est quoi ton move? Moi c'est le veilleux style. Faut que ma life elle braille du style. Fous ta bomba et la reine kata. Section guérilla ciblée sur la surface. Porte pas de chaîne en or, juste du plaqué. Or je veux des diamants, fort comme un aimant. J'attire la foule et son argent. J'ai le style, ma boule ainsi que mes agents. Fout ça, las des as, black mes sables. Black abordable, black adorable. Fan du black, son du rap. Pour les pauvres macabres, on est les nègres sables. Aiguisez notre bravoure, frère, faut la tester. Tôt ou tard, vous aurez le fêlé dans la mêlée. Démontrer son attitude de black dur le tube. Que les buts signe mon contrat d'écoute. Mon don c'est le signe des êtres de beau. Black Hoods, Black Star pour mon crew. Block foot dans nos bâtiments, c'est le compte à rebours. J'avance dans ma Black Mobile. J'ai du Black au motif, rage time, c'est du Black au complot. J'avance dans ma Black Mobile. J'ai du Black au motif, rage time, c'est du Black au complot. J'avance dans ma Black Mobile. J'ai du Black au motif, rage time, c'est du Black au complot. J'avance dans ma Black Mobile. J'ai du Black au motif, rage time, c'est du Black au complot. J'avance dans ma Black Mobile. J'ai du Black au motif, rage time, c'est du Black au complot. J'avance dans ma Black Mobile. J'ai du Black au motif, rage time, c'est du Black au complot.